you buried ya. Yeah. Yes, we there. Oh, do pa diggy diggy diggy diggy in there. Shout out them, them, them, my fee bond them there. Nous ka descend la guess et bi pression, yes, we there. Me and them sol fi dead, we descend in there. Nous vini fe un sel bordel, yes, we there. Shout out them, them, them, my fee bond them there. Nous ka descend la guess et bi pression, yes, we there. Me and them sol fi dead, we descend in there. Bad, bad now. Yes, we there. Rich, rich, mad now. De. Dead right now. De. De. Yes, we there. Rich, rich, bad now. Be, not dead right now. Be, not, be, not. Moi déjà non, ike lousse, nous qui bad now. L'en état là, comme nous qui rich bad now. Respect me bad guy, demand dead now. Set loose, yes, we big up that, that, that, that now. Send to me the will tune, cause we hot now. Fana, fana, nous best one now. Why not? On the gun, will bullet, fire, fire, blood, blood. Bad, bad now. Yes, we there. Rich. Rich mad now, de. Dead right now, de. De. Yes we there. Bad bad now, yes we there. Rich, rich mad now, de. Not dead right now, de. Not de. Not. Attends dit, la semaine fini fini, actuellement faut ready. Problème vini minime si t'as son cas abouti. Regarde les ou vini vini pour pas finir tout tourni. Eh ouais, tout est permis. Des postes à l'est, les chars sont de sortie. Ramène tes potes, y'a de l'alcool, je te le dis. Problème de mec, j'm'en bats les couilles aujourd'hui. Nous qu'elle voit ça lundi, pas jeudi, y'a ça pas capri. Le vendredi, vendredi, vendredi. Le vendredi, nous aimons le vendredi. Le vendredi, je dis pas vu, pas pris. Secret story.